c'est beaucoup plus important que tu restes vivant. Les gens ne te voient pas comme une menace. Mais je sais qu'ils te trompent. C'est tous mes fils, c'est toi que j'ai voulu amener ici. Et c'est toi que je considère comme le plus important pour l'avenir de notre peuple. Lever du soleil, je me réveille. Hey, je suis même plus joué en Espagne ou au Mexique. Un coup d'œil et un exit. Et là, je m'interroge, est-ce que c'est l'heure de faire de l'amour ou bien de casser la vessie? Y'a plein de choses qu'on apprécie, bien sûr, ouais. Comme voir le talent pur de Messi, ouais. J'ai le thème aussi quand je cogne, ouais. Hey, tu voulais mon côté noir, ben nous voici. Les écoute pas, en vrai, je suis trop gentil. Hey, beaucoup trop de mensonges qu'ils vous ont dit. Ouais, en vrai, ça dépend de ce qu'ils ont dit. Ouais, c'est vrai que j'ai ramené depuis les Antilles. Ouais, appris à me réchauffer sous le blizzard. J'ai appris l'amour avec des gens bizarres. Manger avec David Guetta dans une boîte Ibiza. Hey, ma parole, elle vaut mieux qu'un visa. Sûr. Dans une retombe de Colombie, je me fais la barre là-bas, tu sais, y'a que des calibres, y'a pas de gros mal à barre, et B300 au keuf, il jette ton corps, et retourne au bar, y'a rien de choquant, tu sais que même en Europe, on a des Escobar, quand j'étais mineur, c'était un plan, bien sûr que je rentre tard, et si rien à bouffer, je fais autre part, même caractère, mon édite a donné le top départ, si t'es mon ami, je prends des parts, hein, t'as pas compris, t'es qu'un enfant, si je prends tes parts, je vais avec lui jusqu'à la mort, hein, je vais avec lui jusqu'à la mort, mais règle numéro 1, y'a que Dieu qu'on adore.